de bâtard volume 2. Hey, encore plus dangereux. Again, chicka-bow, chicka-bow, chicka-bow, chicka-bow. Je viens défourailler leurs massifs, leurs artistes en bois. Dans leurs paroles souvent y'a beaucoup trop de blabla. Blau, c'est blabla. Je viens défourailler leurs massifs, leurs artistes en bois. Dans leurs paroles souvent y'a beaucoup trop de blabla. Blau, chicka-blau, chicka-blau, chicka-blau. 1-2-1-2, le microphone est branché. J'appuie sur REC, c'est parti pour un nouveau projet. Des mots en rafale, une nouvelle cible verrouillée. Une nouvelle bombe musicale prêt à tout exploser. Je suis le kamikaze linguistique déterminé. Danger, danger, quand tu avances sur mon terrain miné. L'anonymat est ma femme, la bague au doigt, elle m'a passé. Issu du 8-3 underground, mon visage est cagoulé. Schizophrène à temps partiel avec une tendance maboule. Je viens faire jumper le bossy de Toulon jusqu'à Kaboul. Ma motivation première est de rassembler les foules. J'ai un message à faire passer à tous ceux qui me saoulent. Prenez garde si vous pensez que le feu est éteint. Je pourrais le ranimer un beau jour ou même un matin. Brûler votre pinède cervicale jusqu'à la fin. Je suis le pyromane fou qui n'a peur de rien. Tic-a-blau, tic-a-blau, tic-a-blau. Je viens défroyer leurs massifs, leurs artistes en bois. Dans leurs paroles souvent y'a beaucoup trop de blabla. Je viens défroyer leurs massifs, leurs artistes en bois. Dans leurs paroles souvent y'a beaucoup trop de blabla. Tic-a-blau. J'ai pas besoin de Genja, j'n'ai pas besoin de Sensei. Ma rime est efficace, elle est même souvent sensée. Meurtrière à 16h pour la tape de crime sensé. Homicide volontaire, un nouveau MC qui va clancer. Le micro est mon arme, il est toujours bien ajusté. Si tu n'as rien à dire, rien à faire, alors tu te tais. Vos musiques vomisseuses ne sont pas ma tasse de thé. Je ne cherche pas la gloire des fans, j'en ai rien à carrer. Quand tu te bats et crée ton groupe de fans sur Facebook, ça équivaut à te branler sur Playboy. You look. T'es la Rihanna du quartier, t'es la plus belle de ta troupe. 1000 personnes en une semaine sur ta page, c'est un scoop. Petite star d'un soir recherche la notoriété. Ta chambre est un miroir rempli de futilité. Même si son rêve est éphémère, qu'elle a pris le mauvais ticket. La minimiste, la mini rien a besoin de ça pour exister. Tic-a-blau, tic-a-blau, tic-a-blau. Je viens défroyer leurs massifs, leurs artistes en bois. Dans leurs paroles souvent y'a beaucoup trop de blabla. Je viens défroyer leurs massifs, leurs artistes en bois. Dans leurs paroles souvent y'a beaucoup trop de blabla. Dans leurs paroles souvent y'a beaucoup trop de blabla. Bla. De bla, de bla, de bla. Chicka-bow, chicka-bow, chicka-bow. Je viens défroyer leurs massifs, leurs artistes en bois. Dans leurs paroles souvent y'a beaucoup trop de blabla. Je viens défroyer leurs massifs, leurs artistes en bois. Dans leurs paroles souvent y'a beaucoup trop de blabla. Bla, bla, bla, bla. Je viens défroyer leurs massifs, leurs artistes en bois. Dans leurs paroles souvent y'a beaucoup trop de blabla.